L'Italie en a-t-elle fini avec ses cauchemars? A-t-elle décidément tiré un trait sur les années plomb, comme on les a appelées? Ces années 70 et le début des années 80, où se sont succédés les attentats, les assassinats et les jambisations, c'est-à-dire ces fusillades où les victimes, journalistes, hommes politiques, industriels, étaient visés aux jambes. Sans doute, puisque la péninsule ne connaît plus de violence, mais pour autant, l'Italie veut-elle vraiment faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé? Une récente affaire judiciaire semble montrer que dans l'ombre, certains s'attachent à refouler la découverte de la vérité. Nous allons y revenir avec M. X. Oui, une nouvelle fois, mon interlocuteur a choisi de me parler de l'Italie, un pays qu'il connaît bien et que, visiblement, il affectionne. Le 24 janvier de cette année, après de multiples péripéties judiciaires, la Cour d'appel de Venise a confirmé la condamnation à 22 ans de prison de trois hommes, Adriano Sofri, Ovidio Pompressi et Giorgio Pietro Stefani. Qui sont-ils? Ce sont d'anciens gauchistes, membres de l'organisation Lotta Continua. Tous trois ont depuis longtemps rompu avec les idées révolutionnaires de leur jeunesse et se sont brillamment insérés dans la société italienne. Mais, en 1988, le passé les rattrape. Un repenti, Leonardo Marino, les accuse d'avoir perpétré en 1972 l'assassinat d'un policier, le commissaire Calabrese. Tous trois nient. Mais sur la seule foi des déclarations de Marino, ils sont condamnés. Le jugement est confirmé en appel, puis cassé. Au cours d'un nouveau procès, les trois anciens gauchistes sont acquittés. Mais la Cour de cassation annule ce dernier jugement. Un nouveau procès commence. L'épilogue, c'est donc la confirmation de la condamnation à 22 ans de prison par la Cour d'appel de Venise. L'affaire a soulevé une grande émotion en Italie, essentiellement dans les milieux intellectuels qui ont critiqué les méthodes des magistrats et l'acharnement judiciaire dont ils ont fait preuve. Sofri et ses deux amis n'étaient-ils pas des boucs émissaires trop commodes? N'étaient-ils pas les victimes expiatoires de ces terribles années de plomb? Et surtout, en les condamnant aussi lourdement, 28 ans après les faits, ne voulait-on pas, une fois de plus, oublier à bon compte le passé ou même encore protéger les vrais responsables de l'assassinat du commissaire Calabrese? Un matin du mois de mai 1972, le commissaire Calabresi, chef du service politique à la préfecture de police de Milan, sort de son immeuble. Il se dirige vers son automobile. Deux coups de feu claquent. Le policier s'écroule mort. Mais vous m'avez déjà parlé de ce commissaire. Exact, lorsque j'ai évoqué la mort étrange de l'éditeur Feltrinelli. Ouais, mort en manipulant des explosifs. Hein. Enfin, en tout cas, la version officielle. Une version à laquelle je vous l'ai dit, je ne crois guère. Et c'est... Oui, c'est ça. C'est Calabresi qui a mené l'enquête, n'est-ce pas? Dans des conditions curieuses, oui. Mais deux mois après la découverte du corps de l'éditeur, Calabresi trouvait à son tour la mort. Une coïncidence? Non. Paraît évident que Calabresi en savait trop. Mais sur la mort de Feltrinelli? Sur bien d'autres choses. Il faut dire que ce commissaire n'était pas un personnage ordinaire. À l'époque, si je me souviens bien, oui, il laissait entendre que Calabresi était lié au milieu d'extrême droite. Hein. Et aux services secrets, oui, et pas seulement les services italiens. Et vous parlez de qui, là? Des Américains. Encore la CIA? Bah, que voulez-vous, je n'y peux rien, enfin, c'est la vérité. Il faut aussi dire que dans ces temps-là, qui ne sont pas si lointains, les services italiens et américains marchaient la main dans la main. Mmh. Nous en parlerons plus loin. Mmh. Mais, attendez, le nom du commissaire Calabresi est surtout lié à la défenestration d'un anarchiste italien. Hein? Giuseppe Pinelli, oui. Je vous rappelle les faits? S'il vous plaît. Hein? Alors, tout commence véritablement à la fin de l'année 1969, le 12 décembre exactement. Une bombe éclate dans la grande salle de la Banque de l'Agriculture à Milan. Oui, un attentat d'une extrême violence. Oui, je crois me rappeler que 18 personnes ont été tuées et que des dizaines d'autres ont été grièvement blessées. Immédiatement, les policiers, parmi eux Calabresi, ont suspecté des anarchistes d'être les auteurs de ce massacre. Essentiellement deux hommes, Pinelli et Valpreda, que le commissaire a dans le collimateur depuis un bon moment. Sans t'arrêter. Pietro Valpreda, pas tout de suite. Mais Pinelli, oui, 2 heures seulement après l'attentat. Un record de rapidité. N'est-ce pas? L'anarchiste est conduit à la préfecture de police de Milan et interrogé 3 jours durant par Calabresi en personne. En toute illégalité, d'ailleurs. Pourquoi en toute illégalité? Parce que ses droits ne sont pas respectés, que le délai légal de garde à vue est largement dépassé. En tout cas, au soir du 3e jour, Pinelli est retrouvé mourant au pied de l'immeuble de la Questure qui abrite le bureau du commissaire Calabresi au 4e étage. Et comment le commissaire Calabresi explique ce drame? D'après lui, Pinelli, ayant compris que la police avait fait la preuve de sa culpabilité, aurait choisi de se tuer en se jetant par la fenêtre. Une version crédible? À l'évidence, non. Alors que s'est-il passé? Pinelli a-t-il voulu échapper à un interrogatoire musclé ou bien a-t-il été défenestré? On ne saura jamais. Il y a quand même une enquête. Forcément. Toutefois, la justice ne se montre pas trop curieuse. La veuve de Pinelli porte plainte. Calabresi et d'autres policiers de la Questure sont accusés d'homicide. Mais en 1975, alors que Calabresi est mort depuis 3 ans, un juge clôt le dossier. Il exclut à la fois le suicide et l'homicide et évoque une 3e hypothèse, le malaise actif. Le malaise actif, qu'est-ce que c'est que ça? Justement, je comptais sur vous pour essayer de m'expliquer. Pinelli aurait eu un malaise qu'il l'aurait précipité contre la fenêtre? Merci pour cette explication de texte. Mais vous admettrez comme moi que ça ne tient pas debout. Et les amis et la famille de Pinelli ne s'y sont pas trompés. Et ils ont toujours soutenu que c'est Calabresi ou l'un de ses hommes qui avait poussé l'anarchiste par la fenêtre. J'ajoute que la police ne possédait aucune preuve contre Pinelli et que son complice présumé, Valpreda, sera appréhendé, jugé et reconnu innocent. Cela affirme donc les déclarations de Calabresi qui prétendait que Pinelli se serait suicidé après avoir été convaincu d'être l'auteur de l'attentat de Milan. Tout à fait. Mais à partir de la mort de Pinelli, le commissaire devient la bête noire des mouvements gauchistes. L'un d'eux en particulier, Lotta Continua, dont l'un des dirigeants est un intellectuel, Adriano Soffri. Et ce mouvement accuse Calabresi d'avoir assassiné Pinelli. Bien sûr. Mais Lotta Continua va plus loin, puisque pour ses dirigeants, le terrible attentat de Milan est l'œuvre de services de l'État liés à l'extrême droite. Est-ce qu'ils ont des preuves? Des soupçons. Mais la vérité se fera peu à peu jour, lorsque 3 hommes appartenant à des mouvements néofascistes seront arrêtés en 1972 et accusés à leur tour d'être les auteurs du carnage. Enfin, revenons, si vous voulez bien, à Calabresi. Il est donc assassiné en mai 72. Est-ce que son assassinat est revendiqué? Il ne le sera jamais, alors qu'un peu plus tard, les brigades rouges revendiqueront toujours leurs crimes ou leurs attentats. Mais pour les enquêteurs, même en l'absence de revendication, il est évident qu'il faut regarder du côté de ses accusateurs. Le tas continue. Bien sûr. Et cette suspicion débouche sur quelque chose? Non. Non, la police, malgré l'acharnement que vous pouvez facilement imaginer, ne trouve aucun indice permettant d'incriminer les membres de Lotta Continua. Une organisation qui, entre parenthèses, va s'autodissoudre en 1976. Parce que les militants renoncent à la lutte révolutionnaire? Pour la plupart, oui. Et 1976, et ce n'est certainement pas un hasard, c'est aussi l'année où les brigades rouges commettent leur premier meurtre, celui d'un juge. Sauf que ses amis n'approuvent donc pas l'action violente. Et ils se rendent compte que leur action aboutit à une impasse. En tout cas, donc pour revenir à notre affaire, l'assassinat du commissaire Calabresi n'est pas élucidé. Non, mais écoutez bien, en 1974, 2 hommes et une femme, proches d'un mouvement d'extrême droite, sont inculpés par le juge chargé de l'affaire. Mais après avoir passé quelques mois en détention, ils sont relâchés. Donc ils sont innocentés? Apparemment, oui. Et le dossier va dormir pendant des années et des années. Des années terribles, les pires que l'Italie ait connues. Les fameuses années de plomb, comme on les a appelées. Oui, d'un côté, les brigades rouges multiplient les actions violentes. De l'autre côté, l'extrême droite entretient le désordre et la peur en commettant des attentats de plus en plus meurtriers. Le dernier, dans la gare de Bologne, provoque la mort de 85 personnes. C'est ce qu'on a appelé la stratégie de l'attention. Mais on en parlera tout à l'heure. Car il s'agit là, en effet, d'une action concertée et lucide, jusque dans sa folie meurtrière. Autant vous dire que dans ce climat, on a presque oublié l'assassinat du commissaire Calabresi. Et pourtant, en 1988, alors même que la violence révolutionnaire s'est éteinte en Italie, Soffri et 2 de ses anciens amis de Lotta Continua sont soudain accusés du meurtre du policier. Ils sont aussitôt arrêtés. Et que s'est-il passé qui justifie cette arrestation? Un ancien de l'organisation gauchiste a soudain eu envie de libérer sa conscience. 16 ans après les fêtes. 16 ans, oui. Étrange, non? Le dramaturge et prix Nobel de littérature, Dario Fo, a écrit une pièce consacrée au suicide contesté de l'anarchiste Giuseppe Pinelli, mort accidentel d'un anarchiste. Pièce qui a été jouée récemment à Paris. À cette occasion, l'écrivain a été interrogé sur France Culture par Emmanuel Laurentin. Et dans cette interview, il évoque en particulier le meurtre du commissaire Calabresi. Voici ce qu'il dit en substance. Pour moi, Il est clair que Calabresi a été tué par quelqu'un lié à l'État, car à un certain moment, il était devenu quelque chose de très dangereux pour l'État même, avant tout parce qu'il était dans une condition psychologique et morale où il n'acceptait plus d'être le bouc émissaire de tout, Pinelli et le reste. Évidemment, on a tué quelqu'un qui était dangereux. On a commencé à lui enlever son escorte, c'est-à-dire les policiers qu'il suivait. Deux jours après, il était tué. C'est classique, mathématique. C'est vraiment la logique de tout ce qui va se passer après. On a ensuite tiré contre l'OTA Continua pour rechercher une explication. Donc, selon le célèbre dramaturge, l'arrestation des trois anciens dirigeants de l'OTA Continua, si longtemps après le meurtre de Calabrese, procède d'une action délibérée. Mais qui se trouve derrière et pourquoi? Qui est ce Marino qui dénonce si tardivement Soffri et ses deux amis? Un type plutôt louche. C'est-à-dire? Leonardo Marino était effectivement un militant de l'OTA Continua. Mais à quel niveau? Un militant de base. Il était ouvrier chez Fiat lorsque Calabrese a été tué. Ouais. Tandis que les autres, si je vous ai bien entendu, à commencer par Soffri, sont plutôt des intellectuels. C'est juste. Marino, lui, n'est pas resté très longtemps ouvrier. Et qu'a-t-il fait ensuite, alors? Il a vécu d'expédients, toujours à court d'argent. On sait qu'il a beaucoup fréquenté les maisons de jeu et que, couvert de dettes, il a même participé à des vols à main armée. Un personnage pas tout à fait recommandable. Pas du tout. Et c'est cet homme-là qui, en 1988, vient spontanément, paraît-il, raconter sa petite histoire aux carabiniers, puis aux magistrats. À noter que cet individu, qui n'a jamais un sou en poche et gagne péniblement sa vie comme vendeur de crêpes, va soudain disposer d'une certaine aisance financière et même acheter des appartements pour ses enfants. Après son repentir. Après son repentir, oui. C'est curieux, n'est-ce pas? Ouais. Vous insinuez donc que ses aveux auraient pu être rétribués. Ça me paraît assez évident, d'autant que les circonstances dans lesquelles ont été recueillies les déclarations de Marino sont très étonnantes. Racontez. Officiellement, Marino est donc pris d'un remords tardif et va voir les carabiniers. Se passe alors plus de 15 jours avant qu'il ne soit présenté à un magistrat. 15 jours, pendant lesquels, jour après jour, il a des rencontres avec les carabiniers. Mais c'est une information qu'on apprendra d'une façon fortuite. Et selon vous, pendant ces 15 jours? On a mis au point un scénario. Le scénario des aveux? Bien sûr. Et Marino a aussi posé ses conditions, car en avouant, Marino prend une part de responsabilité dans cette affaire. Il affirme qu'il conduisait la voiture du commando des meurtriers. Par conséquent, il risque d'être accusé en tant que complice. Exactement. Mais en s'impliquant personnellement, il donne un poids certain à son repentir. Mais attendez, que déclare-t-il au juste? Il dit qu'il a volé la voiture qui a servi au commando. Le tueur est un nommé Bomprezzi. Et les commanditaires de l'assassinat sont deux anciens dirigeants de l'OTA Continua. Adriano Soffri et Luigi Pietro Stefani. Mmh. Une parenthèse. En 1988, que sont devenus ces trois hommes? Enfin, que font-ils, quoi? Pietro Stefani est entrepreneur. Bomprezzi publie une revue littéraire. Quant à Soffri, professeur d'université, c'est un intellectuel reconnu proche du Parti Socialiste et qui s'est illustré dans plusieurs actions humanitaires à Sarajevo et en Tchétchénie. Mmh. Donc, trois hommes qui ont rompu tout lien avec le gauchisme. Tout à fait. Mmh. Après les aveux de Marino, ils sont arrêtés? Tout de suite, oui. Et malgré leurs protestations d'innocence, ils sont emprisonnés. Mmh. Quelles sont exactement les charges qui pèsent contre eux? Il n'y a que les déclarations du repenti, Marino. Aucun indice matériel? Rien. Le dossier Calabresi est exagérément vide. On l'a vidé, vous voulez dire? Ça y ressemble. Écoutez bien. Les pièces à conviction ont toutes disparu. Vous avez des exemples, hein? Les deux balles extraites du corps du commissaire ont été détruites. Et les expertises balistiques ont été tout simplement égarées. Quant à la voiture volée utilisée par le commando, c'est encore plus extraordinaire. Expliquez. L'auto dépourvue de vignette a été envoyée à la casse, purement et simplement. Il n'y a donc que les aveux tardifs de Marino. Tardif et très suspect, car malgré la longue préparation à laquelle Marino a été soumis... Avec les carabiniers, c'est ça? Oui, pendant ces 15 jours qui ont précédé sa comparution devant un juge. Donc malgré cette préparation, Marino ne cesse de se contredire ou de faire des déclarations approximatives. C'est-à-dire? Un premier exemple. Cette fameuse auto qui a servi au meurtrier. Eh bien, Marino a d'abord prétendu qu'elle était beige. Et en fait? Elle était bleue. Mais comme elle a fini la casse... Oui. Autre contradiction? Selon Marino, les deux commanditaires de l'assassinat lui ont donné l'ordre d'abattre Calabresi le 13 mai 1972 à Pise. C'est extrêmement précis. Extraordinaire. Surtout 16 ans après, mais enfin passons. Marino, qui n'est jamais avare de détails, précise dans quel bar a eu la rencontre. Il ajoute même que ce jour-là, il faisait très beau. Son récit paraît donc très très crédible. Oui, mais pas de chance. Après vérification, les défenseurs des trois accusés établissent que non seulement le 13 mai 1972 à Pise, il tombait des cordes, mais que le bar que Marino a indiqué était fermé. Il a donc menti. Doublement menti. Oui. Enfin, mis devant le fait accompli, il ne se trouve pas le moins du monde et rectifie aussitôt. La rencontre n'a pas lieu à Pise, mais à Turin. Tous ces flottements jettent quand même un doute sérieux sur son témoignage. Naturellement, c'est sans doute pour cette raison que Sofri et ses amis sont relâchés au bout de 3 mois. Mais n'en ont pas fini pour autant avec la justice italienne. En août 89, le juge d'instruction clôt son dossier et décide le renvoi des 3 hommes et de Marino devant une cour d'assises. Bien que l'accusation, enfin encore une fois, ne repose que sur les seules déclarations de ce témoin douteux. Oui, aussi surprenant que cela paraisse. Et vous pensez que derrière, là, il y a une volonté supérieure ? Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Le procès s'ouvre donc à Milan en 1990. 1990, notez-le bien, c'est très important. Ouais, vous voulez encore faire des mystères. Bon, appelez ça comme vous voulez. Mais vous commencez à me connaître, non ? Oui. Bon, donc le procès s'ouvre, et autant vous le dire tout de suite, c'est le début d'un incroyable feuilleton judiciaire qui va nous mener jusqu'à aujourd'hui, et qui n'est sans doute pas terminé. Je vous écoute, alors. Au cours du procès, Marino est longuement entendu et pressé de questions par les défenseurs des 3 anciens dirigeants de Lotta Continua. Une nouvelle fois, il apparaît que son récit est d'une grande confusion. Il se perd dans les détails, il accumule les contradictions. On peut donc penser que l'innocence de Sofri et de ses 2 amis va être reconnue, non ? Oui, d'autant que la défense fait comparaître des témoins qui affirment que le jour du meurtre, Bonpressi, le tueur présumé, se trouvait chez lui à Massa, près de la Spezia. Or, matériellement, Bonpressi n'aurait pas pu couvrir la distance Massa-Milan pour se trouver à Milan à l'heure du crime. Encore un élément qui infirme le récit de Marino. C'est juste, autre chose. D'après un témoin oculaire de l'assassinat de Calabresi, le meurtrier aurait été blond. Pour l'accusation, c'est simple, Bonpressi, qui est brun, s'éteint les cheveux afin de ne pas être reconnu. Or, aucun des familiers produits par la défense n'a jamais vu Bonpressi teint en blond. Ouais, c'est en effet troublant. Oui. Mais pourtant, au bout des 5 jours que dure le procès, Sofri, Pietro Stefani, Bonpressi sont reconnus coupables du meurtre du commissaire Calabresi et condamnés à 22 ans de prison. 22 ans, c'est une peine très très lourde. Ça. Excessivement lourde, oui. Surtout si on tient compte de la personnalité des accusés et de l'extrême légèreté des charges qui pèsent contre eux. Il y avait donc une volonté de les condamner. Sans nul doute. Et Marino ? Lui, il est condamné à 11 ans. Sa peine est inférieure parce que c'est un repenti ? Vraisemblablement. Et puis, il n'est accusé que de complicité. Ouais, mais il est condamné quand même. Or, si, comme je crois vous avoir compris, hein, il a accepté d'être manipulé, il aurait pu s'attendre à une peine bien inférieure, non ? N'oubliez pas qu'il a reçu quelques compensations financières. Et puis, les juges Bonprince vont oublier les vols à main armée qu'il a commis. En outre, vous allez le voir, il va très bien s'en tirer. Enfin, respectons la chronologie de ce feuilleton judiciaire. J'imagine que les condamnés font appel, enfin, Oui, cet appel est suspensif. Les condamnés ne vont donc pas en prison. Mais 1 an et demi après le procès, le verdict est confirmé en appel. Toutefois, nouveau rebondissement, 4 mois plus tard, la Cour de cassation annule le premier procès. Sofri, Bonpressi et Pietro Stefani peuvent enfin penser qu'ils vont en être quittes avec la justice. Et pourtant, ils sont loin d'en avoir fini. Toute l'accusation contre Sofri et ses amis a donc reposé sur la confession du repenti Marino. Le célèbre historien italien Carlos Ginzburg, dans un livre « Le juge et l'historien », a longuement disséqué cette affaire. Il analyse en particulier la manière dont les juges ont reçu les divers témoignages au cours du premier procès et de l'appel. Je le cite. « Bonpressi, qui, selon Marino, aurait matériellement exécuté le commissaire Calabrese le 17 mai 1972 au matin, se trouvait à Massa vers 13h ce même jour. Plusieurs de ses amis, anciens militants de Lotta Continua, témoignèrent 18 ans plus tard qu'il était en train de rédiger un tract et de le diffuser. Dans le verdict de la cour d'appel, on déclarait que ces témoins n'étaient pas crédibles pour diverses raisons. Une importance particulière, remarque la 5e chambre, était attribuée au fait qu'à 18 années de distance, il est pratiquement impossible de se rappeler à un fait qui n'est lié à aucun élément susceptible d'imposer le souvenir. Et en l'occurrence, les témoins s'étaient rappelés des conduites en se référant à un tract qui devait être distribué, mais rien qui dût faire revenir en mémoire la présence de Bonpressi. Cette déclaration prolixe contient une pure et simple tautologie. On se rappelle ce qu'on se rappelle. Sans aller chercher Freud ou Proust, tout le monde sait par expérience directe que des événements ou des détails apparemment sans importance, qui à première vue ne devraient pas imposer le souvenir, s'impriment au contraire dans la mémoire. Mais ce n'est pas là ce que nous voulons souligner. Pour la 5e chambre, quand Marino se rappelle des événements qui se sont déroulés 16 ans auparavant, il est crédible. Quand ce sont les amis de Bonpressi qui se souviennent, ils se souviennent trop et ne sont donc pas crédibles. Même si ces mêmes amis, ou bien le commissaire de police Costantino, déclare ne pas se souvenir d'une circonstance hautement surprenante, tel le fait que Bompressi était censé s'être fait teindre en blond les cheveux. Rien de grave pour autant, la cinquième chambre, imperturbable, conclut que le fait d'avoir une chevelure un peu plus blonde ou de modifier légèrement sa coiffure ne déterminait certainement pas une transformation telle qu'on dut la remarquer, et encore moins s'en souvenir, 18 ans plus tard. Surprenant raisonnement. La décision de relax est confirmée en décembre 1992. Alors, Seffry, Bompressi et Pietro Stefani sont donc acquittés. Ben, la justice italienne n'entend pas rester là. Certains magistrats s'obstinent et obtiennent que le dossier des anciens dirigeants de l'OTA Continua soit examiné par une autre cour d'appel. Et patatras, les juges rendent un verdict de culpabilité. Seffry et les deux autres sont à nouveau condamnés à 22 ans de prison. Quant à Marino, il reçoit sa récompense. Les faits qui lui sont reprochés sont maintenant prescrits et il est définitivement libre. Oui, parce que lui n'était pas accusé de meurtre. Non, mais simplement de complicité. Ouais. Alors, est-ce que cette fois la condamnation est définitive? Non. La Cour de cassation est saisie, et en janvier 97, je crois, elle confirme le dernier verdict de culpabilité. Seffry et Bompressi se présentent d'eux-mêmes à la prison de Pise. Mmh. Et le troisième? Pietro Stefani. Il réside alors en France et il pourrait très bien y rester. Oui, mais il existe une convention d'extradition entre nos deux pays. Bien sûr. Mais pour la loi française, les faits qui sont reprochés à Pietro Stefani sont prescrits. Par conséquent, il ne peut être extradé. Et pourtant, par solidarité avec ses camarades, il choisit de rentrer en Italie. Et donc d'être emprisonné. Oui, il veut être à leur côté pour continuer à se battre et faire reconnaître leur innocence. Mmh. Mais est-ce que, après toutes ces péripéties judiciaires, ils peuvent encore faire quelque chose? Ben d'abord, une campagne d'opinion internationale très importante milite en leur faveur et Seffry de sa prison écrit quotidiennement dans un journal. Ensuite, même sur le plan judiciaire, il leur reste la possibilité d'une demande de révision. Mmh. Et dès la fin de l'année 97, leurs avocats déposent un mémoire en révision devant la cour d'appel de Milan. Mais 3 mois plus tard, les magistrats milanais repoussent cette demande. Et ça continue. En octobre 98, la cour de cassation annule ce verdict. Alors, on s'achemine donc vers un nouveau procès. Pas tout de suite. Parce que la cour de Brescia, saisie à son tour, refuse la demande en révision. Un verdict tout aussitôt cassé par la cour de cassation. C'est invraisemblable. Là, vous avez raison. Oui. Ouais. Bon, ça montre en tout cas que les magistrats italiens sont très partagés sur le cas de Seffry et de ses amis. Oui, c'est exact. Il y a des magistrats qui ont délibérément choisi le camp de l'accusation. Sans s'embarrasser de scrupules pour quelques-uns, par esprit de corps pour certains, et d'autres qui ont très vite mesuré que toute l'affaire ne reposait que sur le témoignage d'un homme douteux et sans doute manipulé. Ouais, alors, et la suite du feuilleton? La cour d'appel de Venise accepte la demande en révision, et un nouveau procès va s'ouvrir dans cette ville à la fin 1999. En attendant, Seffry et Pietro Stefani sortent de prison. Et le troisième, la bande précise? Ah ben lui, il a déjà été libéré pour raison de santé. Ouais. Alors, ce procès, là, c'est donc le dernier acte. Oui, mais contre toute attente, les magistrats se prononcent à nouveau pour la culpabilité. Seffry, Bompressi et Pietro Stefani sont condamnés à 22 ans de prison. Et au début de l'année 2000, Seffry regagne sa cellule. Seul? Les deux autres refusent de retourner en prison et disparaissent. Seffry aurait pu lui aussi adopter une telle attitude, hein, s'enfuir ou... Non, l'ancien militant de l'OTA Continua veut continuer à mener son combat symboliquement depuis sa cellule. Car innocent, il considère qu'il est la victime expiatoire de toute une génération. Celle de tous ces révolutionnaires qui ont contesté la société capitaliste les armes à la main. C'est pour cette raison qu'il refuse même de bénéficier d'une grâce présidentielle. C'est son innocence qu'il veut voir reconnue et rien d'autre. Bah, il est peut-être temps maintenant de me dire ce que cache cette affaire. Bah, je ne vais pas me dérober, rassurez-vous. Ah. Ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est qu'elle intervient à la fin des années 80. C'est-à-dire à une époque où, légitimement, l'Italie peut croire qu'elle en a fini avec le terrorisme et les attentats aveugles. Eh bien, je peux vous le dire, mais vous l'avez sans doute deviné, il ne s'agit nullement d'un hasard. Mmh. Ça signifie, alors, selon vous, que l'on a sciemment relancé cette affaire de l'assassinat du commissaire Calabrese? Oui, c'était une opération rideau de fumée. En replongeant l'opinion italienne dans le climat de ces terribles années de plomb et en ressuscitant l'hydre gauchiste, on voulait prévenir les désastreuses conséquences de possibles révélations sur les vrais initiateurs de la stratégie de l'attention. Soyez plus clair, s'il vous plaît. Jusqu'alors, que sait-on? De longues et difficiles enquêtes policières ont permis de démontrer l'implication de l'extrême droite dans les attentats meurtriers qui ont ensanglanté la péninsule tout au long des années 70. Mais ça, c'est... Ouais, bon. On a même pu mettre en évidence que les services secrets étaient impliqués. Alors, de quoi s'agissait-il en réalité? Toutes ces actions terroristes qui ont fait des dizaines de morts, je vous le rappelle, avaient pour but de mettre l'opinion en condition et de la préparer à un changement de régime. Un coup d'État? Un coup d'État fasciste ou l'instauration en douceur d'un régime fort. Tous les conjurés n'étaient pas forcément sur la même ligne. Mais enfin, peu importe. Ce qui compte, c'était que ces hommes voulaient en finir avec la démocratie par tous les moyens. En créant donc un climat de terreur dans le pays. Et en accusant les gauchistes, car il était tentant d'attribuer la responsabilité des attentats à cette extrême gauche violente et jusqu'au boutiste. Mais soudain, au début des années 80, on lève un coin du voile. De quoi voulez-vous parler? De la découverte de l'existence de la fameuse loge P2, souvenez-vous. Les Italiens effarés apprennent alors que l'État, les partis politiques, les grandes entreprises, l'armée et même l'Église sont noyautés par une nébuleuse quasi-mafieuse et extrémiste qui met le pays en coupe réglée. Et rapidement, on fait le rapport avec les événements sanglants qui ont secoué la péninsule. Voilà, le pire est à venir, l'ultime secret. Qu'est-ce que c'est cet ultime secret? Gladio. Gladio, attendez, c'est l'organisation clandestine de l'OTAN, c'est bien ça? Oui. Gladio, c'est son nom en Italie, mais la même structure a été implantée dans la plupart des pays européens de l'Ouest. Y compris en France. Naturellement. Elle n'a été démantelée dans notre pays que sous la présidence de François Mitterrand. Donc Gladio, c'est une organisation clandestine fondée par les services secrets américains après-guerre. Avec quel objectif, rappelez-moi? Deux objectifs. La mise en place d'une structure militaire dormante qui pourrait être activée en cas d'invasion soviétique, et aussi la lutte contre la subversion communiste. Et en Italie en particulier, c'est ce deuxième objectif qui a été poursuivi par Gladio. Gladio, ça veut dire le glaive en italien. Oui, c'est bien ça. Mais le rapport de Gladio avec la stratégie de l'intention? C'est donc Gladio et donc indirectement la CIA qui a inventé cette stratégie de l'intention. Et qui a par conséquent aidé et même armé les groupuscules d'extrême droite qui ont provoqué tous ces attentats si meurtriers. Or, à la fin des années 80, le secret menace d'être éventé. Pourquoi? Parce qu'un ancien de la CIA, un certain Brennecke, menace de faire des révélations sur les implications de l'agence dans les actions terroristes en Italie. Donc il faut très vite allumer un contre-feu. Et d'après vous, c'est pour cette raison qu'on relance l'affaire Calabrese? Oui, le paradoxe étant que le commissaire a sans doute été abattu par ses propres amis qui commençaient à le trouver gênant et dangereux. Mais passons. Enfin, la vérité dans cette affaire, c'est qu'il faut avant tout atténuer la portée de la révélation de l'existence de Gladio. Et donc dresser ce rideau de fumée entre l'opinion et la manifestation de la vérité. C'est en effet, en 1990, alors que le feuilleton judiciaire de l'affaire Sofri vient de commencer, que le président du Conseil italien, Giulio Andreotti, admet du bout des lèvres l'existence de Gladio. Une existence confirmée par un fait très curieux. Cette même année, on retrouve comme par hasard des papiers appartenant à Aldo Moro, l'homme politique séquestré puis abattu par les Brigades Rouges en 1978. Or, dès la mort de l'ancien ministre, des extraits de ces documents avaient été rendus publics, mais semble-t-il, personne n'y avait vraiment prêté attention. Et pourtant, comme vous allez pouvoir en juger, Aldo Moro dénonçait déjà à mi-mot les interventions secrètes américaines en Italie. Tant que j'ai été ministre des Affaires étrangères et que pour cette raison, j'avais une certaine connaissance de l'organisation militaire alliée, aucun relief particulier n'a été donné à l'activité anti-guérilla que l'OTAN aurait pu, dans certaines circonstances, déployer. Cela dit, je n'ai évidemment aucune intention de dire qu'il n'a pas été prévu et été réalisé, dans des unités spécifiques ou normales, un entraînement à la guérilla de deux types différents. Une guérilla à conduire contre d'éventuelles forces adverses d'occupation, ou une contre-guérilla à conduire contre des forces ennemies présentes sur notre territoire. Il est clair que dans ce texte, Moro faisait clairement allusion à Gladio, mais il faudra attendre 12 ans pour que ce document soit opportunément redécouvert dans la cache où les Brigades Rouges avaient séquestré leurs victimes. À samedi prochain, et je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com, une adresse qui vous permet aussi, si vous le voulez, de réécouter cette émission.